J'avais 85 ans, j'étais qu'un enfant. Maintenant, du haut de mes 250, je la vois autrement. Je la vois avec mes yeux d'enfant. Et rien ne changera. Au début, j'avais 85 ans, je n'étais qu'un enfant. Maintenant, du haut de mes 250, je la vois autrement, différemment. Je la vois avec mes yeux d'enfant, pupille de la nation. Et rien ne changera. Au début, j'avais 85 ans, j'étais qu'un enfant. Maintenant, du haut de mes 250, je la vois autrement. Différemment, je la vois avec mes yeux d'enfant, pupille de la nation. Et rien ne changera. Je vous avais prévenu.